nous avons tous le même Dieu, le même prophète, les mêmes cieux, et pour pleurer les mêmes yeux, et pour pleurer les mêmes yeux. Je ne suis ni fou ni méchant, je ne supporte pas le sang, je suis là apeuré, impuissant, craignant pour ma vie, mes enfants. Que reste-t-il de mon printemps? Des pierres, du sable et du vent. J'ai cru en ma révolution, mais ça n'était qu'une illusion. Yeah.